Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie, chapitre 4e du troisième traité, troisième paragraphe, amour de Marie envers Dieu. Ayant enfin un traité de la charité de Marie, j'avoue que les forces me manquent plus que jamais, je serais presque tenté de me dispenser d'en dire un mot, tant je suis persuadé de l'impossibilité absolue où je suis de le faire dignement, et qui jamais, même parmi les pures créatures, pourra, je ne dis pas nous retracer, mais seulement se représenter, quoique faiblement, l'amour que Marie porte à son Dieu, cet amour ardent et qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Sera-ce un ange? Un séraphin? À quelque embrasé qu'il soit des célestes flammes, à côté de la fournaise brûlante du cœur de Marie, il se trouverait froid, ou du moins incomparablement moins ardent, et serait impuissant à nous faire connaître la charité dont le cœur de Marie brûle pour son Dieu. Et quoi? Dit saint Anselme, une intelligence humaine, ou même un ange pourrait-il mesurer l'immensité de l'amour de Marie? Que s'il en est ainsi, oserais-je espérer d'y parvenir, moi, si misérable, si froid dans l'amour de Dieu, moi, qui ne suis qu'un aveugle dans les voies du Seigneur? Je ferais donc mieux de me taire que de m'aventurer témérairement à parler de ce que nous ne pouvons même pas comprendre. Mais pourtant, non, je ne me tairai pas. Puisque j'ai été assez téméraire pour entreprendre de dire ce qu'est Marie, on ne s'étonnera pas que j'ose même parler de la vertu qui met le comble à l'excellence de Marie. Saint Anselme lui-même m'encourage à le faire, en me disant que c'est toujours un grand bonheur que de pouvoir au moins s'en entretenir, encore qu'on ne puisse pas la comprendre. Je vous dirai donc avec lui. Élevez votre esprit autant que vous le pouvez, portez vos regards aussi loin qu'ils peuvent percer, pour tenter de contempler l'amour de Marie envers son Dieu. Ô grand Dieu, ô Verbe du Père éternel, ô sagesse sacrée du Père, nous vous prions de daigner nous apprendre de quel sentiment Marie est pénétrée envers vous, son Fils et son Dieu. Que les créatures les plus brûlantes d'amour pour la divine majesté viennent me dire de quel feu leur cœur est embrasé. Dites-nous, Thérèse, quelles sont les flammes qui consument le vôtre? Dites-nous, Louis, les transports amoureux que vous éprouvez pour votre Dieu? Venez aussi, ô grand apôtre, montrez-nous votre cœur comme plongé dans le brasier de la charité, heureux. Ah que vous êtes heureux, vous qui avez su aimer votre Dieu de la sorte. Toutefois, vous dirai-je avec saint Anselme, gardez-vous de faire aucune comparaison entre votre amour et celui de Marie. L'amour de Marie surpasse celui de toutes les autres créatures, si ardent qu'il soit. Rien de plus certain, de plus indubitable. Mais de combien le surpasse-t-il? Quelle distance les sépare? Oh, c'est ici que l'esprit se perd, vu l'impossibilité absolue pour toute intelligence créée de mesurer une telle immensité. Nous avons déjà dit, avec le docte Suarez, que l'amour de Dieu pour cette fille, cette mère, et cette épouse bien-aimée, surpasse l'amour qu'il porte à tous les autres saints et à tous les esprits bienheureux ensemble, quelque nombreux qu'ils soient. De là il s'ensuit, par une conséquence légitime, que Marie aime son Dieu plus que ne l'aiment tous les saints et les esprits célestes réunis. Cette conséquence, dis-je, suit nécessairement, parce qu'il est certain que Dieu ne peut se tromper dans son amour, comme il le ferait en choisissant un objet indigne d'être aimé, ou en l'aimant plus qu'il ne le mérite. Si donc il aime Marie plus que toutes les autres créatures réunies ensemble, Nous devons conclure que Marie elle seule est plus digne d'amour que toutes ses créatures, donc elle les surpasse toutes en amour envers Dieu. Puisqu'une âme n'est digne d'être aimée de Dieu qu'en proportion de l'amour qu'elle lui porte, confère Saint Bernard, ou, pour parler avec plus de précision, l'amour de Dieu pour une créature n'est pas seulement affectif, mais encore effectif. Comme disent les théologiens, Dieu n'aime pas sans produire quelque chose dans l'objet aimé, mais son amour produit en lui ce qu'il aime, moyennant la coopération du libre arbitre. Partant, l'amour de Dieu envers Marie fait naître en elle un autre amour et un amour d'autant plus grand que le sien est plus fort et plus puissant. Voyez donc si la conclusion que j'ai déduite n'est pas légitime. Voyez s'il n'est pas vrai que Marie elle seule aime son Dieu plus que ne l'aiment toutes les autres créatures réunies ensemble. Oui, si l'on peut dire avec Suarez, Dieu aime la bienheureuse Vierge plus que tous les autres saints, on doit dire aussi, Marie aime Dieu plus que ne l'aiment tous les autres saints. Que s'il en est ainsi, que pourrais-je dire de plus fort touchant l'amour dont Marie est pénétrée pour son Dieu? Je me vois donc obligé de m'arrêter ici, désespérant de pouvoir jamais traverser cet océan sans rivage. Il m'apparaît maintenant sans fond et d'une étendue immense, Ézéchiel 47, 5. Puisse-t-il nous être donné d'y être engloutis, submergés à jamais, de nous perdre sans retour dans cet abîme sans fond, de nous consumer dans cette fournaise du plus ardent amour. Heureux, si un tel sort nous est réservé, heureux, si une faible étincelle des flammes ardentes qui s'élancent du cœur de Marie venait se reposer sur nos cœurs. Oh comme il serait embrasé à l'instant comme on l'y verrait brûler, se consumer, se dissoudre tout entier dans l'amour divin. Demandons cette faveur à Marie, demandons-la à la mère du pur amour, elle ne nous la refusera pas, oui, ô Marie, mère du bel amour, fondez la glace de mon cœur en lui communiquant une étincelle du feu sacré qui brûle dans le vôtre, ô ma mère, obtenez-moi de Dieu une étincelle. Pourriez-vous me la refuser? Le voudriez-vous? Mais alors comment serait-il vrai que vous êtes la mère de l'amour? Si jamais je vous demandais autre chose, si je vous demandais les honneurs, les richesses, les plaisirs, les délices de la vie, refusez-les-moi, parce que vous n'auriez pas sujet de m'exaucer. Je pourrais abuser de ces choses, je pourrais tourner les dons contre le donateur et contre la donatrice, mais quand je vous demande l'amour, vous ne pouvez en aucune manière me le refuser. Et quoi? Cette demande serait-elle contraire aux intentions de Dieu? Jésus-Christ n'a-t-il pas protesté que son but en venant sur la terre était d'allumer cette céleste flamme dans les cœurs de tous les hommes? Dieu veut donc enflammer mon cœur? Moi aussi je veux qu'il soit enflammé, reste que vous le vouliez aussi, et mes vœux seront accomplis. Ah que dis-je, ô ma mère, si vous le voulez, ô puissé-je le vouloir comme vous le voulez, puissé-je désirer d'aimer mon Dieu, autant que vous désirez que je l'aime. Que reste-t-il donc? Dieu le veut, vous le voulez, que reste-t-il? Je dois l'avouer à ma confusion, c'est moi qui y mets obstacle. Et il est vrai, mon cœur, que tu refuses d'aimer ton Dieu? Ah pauvre cœur, cœur insensé, cœur dénaturé, que voudrais-tu donc aimer si tu n'aimes pas ton Dieu? Que veux-tu aimer si tu refuses d'aimer ce qui mérite seul ton amour? Non, non, mon pauvre cœur, que tu ne l'aies pas voulu jusqu'à présent, patience, mais maintenant au moins résous-toi à aimer l'amour. Es-tu disposé à le faire? Ah, tu ne réponds pas. Marie, je m'adresse à vous, Vous savez mieux que moi si mon cœur est disposé à aimer son Dieu, cela suffit, quoi qu'il en soit, je prétends en finir une bonne fois. Où mon cœur est disposé, ou il ne l'est pas, s'il est disposé, vous devez y allumer l'amour de Dieu, s'il ne l'est pas, vous devez le disposer à votre manière, et comme il vous plaît. Vous ne pouvez pas, vous ne voudriez pas échapper à ce dilemme. Oui, de toute manière, il faut qu'il en soit comme je le veux, de toute manière je veux l'amour de Dieu. Appelez-moi arrogant, appelez-moi insolent, peu m'importe, je veux l'amour, je veux l'amour, je le veux, je le veux, je le veux, et vous ne pouvez me le refuser, et vous devez absolument me l'accorder. Faites que mon cœur soit embrasé d'amour pour Jésus-Christ mon Dieu. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.